Bukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Des citoyens qui vivent aux alentours de la rivière Gasenyi au quartier Gare en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura s'indignent pour cause de l'arrêt des travaux d'aménagement de cette rivière il y a 3 mois. Et des citadins de la 4e avenue du quartier de Donyakabiga en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura se plaignent pour cause du déportement des regards de cette avenue. Cela fait près de 2 mois. Dans la suite des programmes proposés par les politiques en course vers les législatives et communales du 5 juin prochain, vous entendrez le président du parti Radebo et David Nyonchungu, candidat indépendant aux législatives. Et puis des élèves issus des familles de la communauté Batwa en commune Rango de la province Kayanza disent qu'ils entreprennent de petites activités génératrices de revenus après les études, ce qui inquiète cependant la direction communale de l'éducation. Cédric Nibishaka assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Dans la suite des programmes proposés par les politiques en course vers les législatives et communales du 5 juin prochain, le parti Radebo compte recommander au gouvernement, une fois élu pour siéger à l'Assemblée nationale, pour la libéralisation de l'importation des produits pétroliers afin qu'ils soient disponibles en quantité suffisante. Le président de son parti indique qu'une autre recommandation consistera à promouvoir des cultures d'exportation. Jean de Dieu Mutabazi ajoute que son parti, une fois élu, compte renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale de contrôler l'action gouvernementale. L'augmentation sensible du budget alloué au secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, sans tenir compte de l'argent provenant des projets ou bien de l'argent provenant des bailleurs de fonds. Donner les semences, les engrais chimiques ou bien les autres produits pharmaceutiques sous forme de crédit remboursable par les agri-éleveurs après avoir récolté ou produit. Et ce que nous avons envisagé aussi, c'est d'augmenter sensiblement le prix aux producteurs pour les producteurs, les cultivateurs, les caféiculteurs ainsi que les théiculteurs. Et ce que nous avons aussi préconisé comme proposition, c'est d'améliorer sensiblement la traçabilité de l'exploitation des minerais. Parce que nous avons constaté que les minerais qui sont exportés, qui sont vendus à l'extérieur, ne s'accompagnent pas du rapatriement de devises. Et au niveau de l'énergie, c'est très important au niveau du Radebo, c'est de la libéralisation dans le secteur de l'importation des produits de carburant comme le mazout, le pétrole et autres. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une large libéralisation pour que les étrangers et les Burundais qui sont capables d'importer le carburant puissent l'amener. Et au niveau de la bonne gouvernance, nous avons envisagé comme proposition la lutte contre la corruption en recourant à la lutte contre l'enrichissement illicite, c'est-à-dire récupérer tous les biens mal acquis. Et au niveau politique, c'est la reconnaissance du génocide des Bahutu du Burundi qui a eu lieu en 1972, ainsi que la violation des crimes contre l'humanité et autres crimes contre l'humanité qui ont été faits par le régime de 1972 contre les Bahutu, les Batutsi et les Batois. Et enfin, c'est la réalisation, la mise en œuvre de la promesse du chef de l'État que tous les retraités puissent avoir par mois l'équivalent de leur dernier salaire. Le recours des prérogatives que la Constitution donne au Parlement, c'est-à-dire le contrôle de l'action gouvernementale en recourant à la motion de censure à l'endroit des ministres incompétents, l'initiative des lois, l'amendement et le vote des lois. Cela donne le pouvoir de mettre en œuvre toutes ces propositions que je viens de vous dire. Jean de Dieu Mutabazi, président du parti Radebo, et la défense de l'accès des tricycles, motos et vélos au centre-ville de Bujumbura et la sensibilisation à des actions d'aménagement des rivières qui traversent la ville de Bujumbura. Voilà quelques-uns des principaux projets de société du candidat indépendant David Nyonchungu aux législatives du mois prochain de cette année. Il souligne en outre que l'urgence est de recommander la recherche d'une solution durable à la pénurie des produits pétroliers. Suivez-le. Si je suis élu, je demanderai au gouvernement de faciliter le transport pour les citoyens à Bujumbura en autorisant les tuk-tuk, motos et vélos, l'accès à la ville, car il devient de plus en plus difficile pour les citoyens de se déplacer. Je proposerai au gouvernement de nous réunir afin de trouver une solution durable pour que le carburant redevienne disponible comme avant. Car la pénurie entraîne une hausse générale des prix et nuit au quotidien des citoyens. Si je suis élu, je ferai tout mon possible pour collaborer avec les services concernés afin de protéger les rivières de la ville de Bujumbura, car elles ont déjà causé des dégâts matériels considérables, notamment des maisons détruites. Si je suis élu, j'installerai un bureau au centre-ville de Bujumbura pour que les citoyens puissent venir me rencontrer en cas de problème. Ce que je peux résoudre, je les réglerai. Ce que je ne peux pas, je les transmettrai aux autorités compétentes. Si je suis élu, je demanderai au gouvernement, via le service de la régie des eaux, d'assurer un accès suffisant à l'éclairage public et à l'eau potable dans la province de Bujumbura, car ces services sont essentiels, mais actuellement insuffisants. J'encouragerai le gouvernement à retirer les enfants mendiants des rues et à les orienter vers des centres d'accueil où ils seront formés à l'amour de la patrie avant de les réintégrer dans le système scolaire. Concernant la connexion Internet, qui est un problème majeur à Bujumbura, je demanderai au gouvernement de faire un effort pour garantir une connexion adéquate, car beaucoup de citoyens utilisent leur téléphone pour travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Face à la dépréciation continue de la monnaie burundaise, nous tiendrons des réunions avec la Banque centrale afin de chercher des stratégies pour redonner de la valeur aux francs. À cause de la crise de carburant, si je suis élu, je proposerai au gouvernement l'introduction des véhicules électriques pour soutenir les moyens de transport existants et faciliter la mobilité des citoyens. Dans le secteur de l'éducation, je m'entretiendrai avec le ministère de l'Éducation pour voir comment rehausser la qualité du système éducatif, car elle semble avoir fortement baissé. Les projets de loi que le gouvernement va nous transmettre, on va voir si ces projets de loi que le gouvernement transmettra à l'hémicycle de Kigobe viennent favoriser le peuple. Et tant que nous parlons de ces législatives du 5 juin prochain, le responsable du sanctuaire du tambour de Gishora, c'est en province Gitega, demande aux futurs députés de réglementer le rite du tambour pour que ce dernier ne se détériore. Oscar Nshimirimana demande aux futurs parlementaires de penser au réaménagement de ce sanctuaire afin d'y ériger des maisons d'accueil des touristes. Le point avec Fidèle d'Antoine Sabiman. Selon Oscar Nshimirimana, le responsable du sanctuaire du tambour de Gishora, les parlementaires qui auront la chance de gagner les élections en cours devraient introduire une loi qui protège le rite du tambour burundais. Pour Oscar Nshimirimana, le site de Gishora devrait être réaménagé pour faciliter les visiteurs, notamment en y érigeant des maisons d'accueil. Je demanderai aux futurs parlementaires de penser à réaménager ce site pour faciliter les visiteurs de ce sanctuaire à s'épanouir. Car si les touristes sont satisfaits, ce n'est pas un honneur pour Gishora ou de Gitega seulement, mais plutôt un honneur pour tout le monde. Le sanctuaire du tambour de Gishora est l'un des lieux touristiques les plus visités, que ce soit par les nationaux ou par les étrangers. Gitega, Fidèle d'Antoine Sabimana, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. La 4e avenue du quartier de Nyakabiga en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura est menacée par le débordement de deux regards en béton de part et d'autre de cette avenue. Cela fait près de deux mois. Des habitants de cette localité alertent craignant des maladies respiratoires et celles liées au manque d'hygiène à cause de ces eaux usées. Et la chef de la 4e avenue du quartier de Nyakabiga dit avoir transmis ses inquiétudes à ses chefs directs de la zone, Mireille Kanyang. Nous sommes à la 4e avenue du quartier Nyakabiga 2. Des eaux usées, suffocantes, débordant des regards en béton des deux côtés de cette avenue s'y déversent. À cet endroit, ces eaux stagnent et l'avenue présente un affaissement, causant ainsi un problème de circulation pour les véhicules. Nous vivons dans cette situation il y a plus d'un mois. Vraiment, la vie devient de plus en plus difficile. Nos enfants souffrent beaucoup suite à ces déchets de toilettes qui sont détruites. Nous avons lancé un appel vibrant aux autorités administratives. Ils ont essayé quand même. Nous-mêmes avons contribué et cherché les personnes qui peuvent nous aider, mais en vain. Cette situation vient de durer près de 2 mois, selon cette habitante de la parcelle numéro 5, à l'intérieur de laquelle les toilettes ont aussi débordé, débouchant près d'un robinet. Non loin de là, ces eaux vont jusque devant la parcelle d'une autre femme qui nous fait visiter l'intérieur. Vu que le débordement des regards se répercute aussi dans sa parcelle, elle indique que sa famille s'arrange pour trouver des produits pour contrer ces odeurs, des produits qui coûtent cher, dit-elle. Qui nous fait visiter l'intérieur, vu que le débordement des regards se répercute aussi dans sa parcelle. Elle indique que sa famille s'arrange pour trouver des produits pour contrer ces odeurs, des produits qui coûtent cher, dit-elle. Toute demande que cette avenue soit réhabilitée. La chef des 10 maisons dit avoir informé ses supérieurs hiérarchiques et le chef de zone Nyakabiga, déplorant cette situation, dit avoir transmis la problématique à l'administrateur de la commune urbaine de Mukaza, qui a informé l'office burundais de la construction au Buha. Nous avons contacté le commissaire général de cet office, mais sans succès. Mireille Kanyange, je vous l'avais dit dans le titre, des citoyens qui vivent aux alentours de la rivière Gasenyi au quartier Gahahe en commune Mutimbuzi en province Bujumbura se lamentent pour cause de l'arrêt des travaux d'aménagement de cette rivière il y a 3 mois. Ils regrettent qu'ils soient menacés par les eaux de cette rivière qu'on a déviée près de leur ménage. En conséquence, 2 maisons se sont déjà écroulées, indique-t-il, et de demander à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha, la reprise de ces travaux. On en fait le point avec Ariela Chiminiman. 3 mois se sont déjà écoulés depuis l'arrêt des travaux d'aménagement de la rivière Dogasenyi, qui sépare le quartier Gatunguru du quartier Charamagahahe. Comme le témoignent les habitants de la localité, cette situation leur pose de sérieux problèmes. Comme vous le voyez, nous habitons ici. C'est une petite maison construite en tôle de bas en haut. Nous avons fait des arrangements afin de trouver la place pour s'endormir, car nous n'avons pas de moyens pour louer une maison. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro affirment que 3 maisons ont déjà été détruites par les ravets à Paris, à l'endroit où la rivière avait été déviée. Les habitants demandent au gouvernement une compensation pour les biens perdus, ainsi que la reprise et l'achèvement des travaux. Je suis dans une très petite maison, alors qu'avant j'étais confortable dans une maison de 2 chambres et salon avec mes enfants. Mais aujourd'hui, j'habite dans une petite maison et certains de mes enfants habitent dans l'autre maison de mon voisin. Je demande au gouvernement de finaliser les travaux de canalisation des eaux de la rivière Gasenyi et nous aider à avoir des maisons, car nous avons eu de la perte. D'ailleurs, Gamier Georges, l'un des chefs de quartier Charamagahahe, confirme cet état de fait et indique avoir déjà soumis les doléances des sinistrés à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha. Il y a les 2 parents qui ont perdu leur maison. En tant que l'un des administratifs, ils m'ont demandé ce qu'il faut faire. Je les ai répondu qu'il n'y avait pas autre solution, sauf qu'ils doivent se déménager pour louer d'autres maisons, tout en les promettant que je dois confirmer être au courant de la situation de leur maison en cas de la réaction du gouvernement face à cette problématique. Ces travaux consistant à canaliser les eaux de la rivière ont débuté il y a 1 année. Ariela Chiminima, nous n'avons pas encore eu la réaction du directeur général de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Burundi. Parlons éducation et droits de l'homme à présent. Des élèves issus des familles de la communauté Batwa en commune Irango de la province Kayanza disent qu'ils entreprennent des petites activités génératrices de revenus comme la vente de paille pour s'acheter du matériel scolaire. Alors que le directeur communal de l'éducation en cette commune indique que cette situation constitue l'une des causes d'abandon scolaire des enfants Batwa, ces enfants trouvent que c'est une manière de contribuer à subvenir aux besoins de leur ménage. Patrick Nsengiumva. Ces jeunes élèves ici des familles de la communauté des Batwa en commune Rango disent que cette activité génératrice de revenus de la vente et de la paille pour le bétail est exercée après l'école. D'après ces mêmes élèves, l'argent gagné leur permet de s'acheter du matériel scolaire et de trouver du petit capital pour entreprendre le petit commerce dans leur communauté. Ces élèves Batwa disent qu'ils entreprennent des activités génératrices de revenus pour appuyer leurs parents dans la subvention des besoins fondamentaux de tous les jours de leur famille. Le parent de ces élèves Batwa avec lesquels nous nous sommes entretenus, nous ont fait savoir qu'ils se réjouissent bien des activités de leurs enfants, expliquant que ces enfants contribuent avec l'argent gagné dans la chambre de son dont la famille a besoin pour la survie. Même propos avec une voisine de ces familles Batwa contactée. Celle-ci trouvait d'ailleurs que même des élèves qui sont ici d'autres familles que celles de la communauté des Batwa devraient entreprendre après l'école. Toutefois, le directeur communal de l'éducation en commune Rango trouve lui que le taux élevé d'abandon scolaire chez les élèves Batwa serait dit au fait qu'ils entreprennent beaucoup des activités génératrices de revenus alors qu'ils sont encore petits. Bachimanza Ernest appelle les organisations chargées d'appuyer les familles en situation de vulnérabilité à prêter main forte les élèves issus des familles de la communauté des Batwa afin qu'ils puissent poursuivre convenablement les études comme les autres. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. C'est par ici que s'achève cette édition. Cédric Kenny Bichak a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, revue de la presse avec Jean Bosco Ndouiman. Alain Désiré, Boukeneza. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Présent sur les listes, absent sur le terrain, constate le journal Iwachu. En effet, écrit ce confrère, comme la campagne pour les élections législatives et communales bat son plein, on s'attendait à ce que les futurs députés et conseillers communaux proposent des solutions concrètes aux défis de l'heure et formulent des promesses tangibles. Cet hebdomadaire relève plusieurs thèmes majeurs qui devraient émerger : l'inflation galopante, le chômage, la pression fiscale, la pénurie récurrente de carburant, la dépréciation monétaire, la hausse vertigineuse des prix, le logement, les infrastructures, le chapelet des besoins des Burundais pourrait être égrené à l'infini. Les candidats devraient donc articuler des propositions concrètes pour répondre à ces enjeux, note le journal Iwachu. Hélas, sur le terrain, on ne les voit pas. Pourtant, ils figurent bien sur les listes, souligne l'hebdomadaire Iwachu, qui fait remarquer que si le parti l'emporte, le candidat sait qu'il siégera de facto à l'hémicycle. Ainsi, élus sur base de listes bloquées présentées par leur parti, les députés se montrent plus redevables envers ces derniers qu'envers le peuple. De son côté, un blogueur du collectif Yaga rapporte que les politiciens sont les premiers à se servir du passé pour mobiliser l'électorat, citant ainsi le professeur Eric Ndayisaba, enseignant-chercheur à l'ENS et membre associé au laboratoire Les Afriques dans le monde. Selon lui, lorsqu'une mobilisation collective s'amorce, il devient bien plus difficile de résister à l'appel identitaire. Le discours ethnicisant, souvent tenu par cette catégorie d'acteurs, est dur, tranchant et trace des frontières nettes entre les groupes, mettant l'accent sur un « nous » exclusif, opposé aux autres. Ce blogueur du collectif Yaga rappelle que le discours ethnicisant est réprimé par la loi. En effet, l'article 266 du Code pénal burundais stipule que toute personne qui manifeste de l'aversion raciale ou ethnique ou incite, encourage ou commet un acte susceptible de provoquer cette aversion ou cette haine est passible de sanctions pénales, souligne-t-il. Revue de la presse. Transport transfrontalier, derrière le volant, la sueur, écrit Burundi Echo. En effet, rapporte ce journal, les conducteurs de poids lourds burundais dénoncent leurs conditions de vie et de travail le long des corridors. Routes dégradées, insécurité liée au banditisme, manque d'eau potable, absence de latrines et de structures d'urgence, absence d'air de repos, tels sont les principaux défis auxquels ils sont confrontés. Justement, à propos de l'absence des aires de repos sécurisées, cet hebdomadaire fait remarquer que cela oblige parfois les chauffeurs à se rabattre sur des parkings privés comme celui d'Ongozi, à Mivo, moyennant parfois paiement des frais. Il note que la gare routière de Bujumbura est l'un des rares points de repos reconnus au Burundi. Il salue néanmoins le projet de construction d'un chemin de fer à écartement standard, puisque, explique Burundi Echo, le rail reste le mode de transport le plus économique, selon Deo Nibibuka, administrateur directeur général d'International Freight Logistics, interrogé par cet hebdomadaire socio-économique. Plus de 900 élèves des écoles spécialisées en sciences de la santé passent un examen d'évaluation de leurs connaissances, édition 2025, rapporte l'agence burundaise de presse. Citant l'assistante du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Inès Roseline Nduimana, l'ABP précise que cet examen a été organisé pour améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles de santé et vérifier si les élèves méritent réellement d'obtenir leur diplôme après les études. Elle a fait savoir, toujours dans les colonnes de ce quotidien, que ses élèves sont issus de 24 écoles, dont 7 publiques, 2 confessionnels et 15 privés qui ont achevé leur formation en 2025 dans divers domaines des sciences de la santé. Et parmi eux, 663 ont étudié dans la section soins infirmiers, 186 en analyse médicale, 50 en pharmacie et 12 en assainissement public. L'examen se déroule dans 15 centres répartis à travers tout le pays, dont 2 dans la ville de Bujumbura, et 13 dans d'autres provinces. L'ABP note que cet examen se fera durant 9 jours, c'est-à-dire à partir du 21 au 30 mai 2025. Et ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.